Parlons donc maintenant de l'expression faire quelque chose, comme par exemple faire réparer quelque chose, faire laver, faire repasser, faire monter les valises. En anglais, on emploie également le verbe avoir. Et puisqu'avoir est un plongeoir, alors il aboutit sur le participe passé. Par exemple, la montre se dit the watch, the watch. La montre, watch. Ça s'écrit W-A-T-C-H. Ce mot watch s'emploie aussi comme un verbe. Et le verbe watch, to watch, signifie regarder. Regarder la télévision. To watch television. Regarder un programme. To watch a program. Ou to watch a show on television. Réparer. Le verbe réparer se dit to... Repaired? Once more? To repair? Yes, to repair. To repair. Réparer. On peut aussi dire to fix. To fix? To fix. To repair. Mais c'est pareil. C'est la même chose. To fix. Alors pour dire je voudrais faire réparer la montre en anglais, au lieu de dire faire, on dit je voudrais avoir la montre suivi du participe passé. Alors, je voudrais faire réparer la montre. I would like to have the watch. The watch prepared. Repaired. Okay, once more. Repaired. Repaired. Yes, I would like to have the watch repaired. Au lieu de dire repaired. Fixed. Not quite. Once more. Fixed. Fixed. Yes, I would like to have the watch fixed. La montre ne marche pas. En anglais, pour marcher, fonctionner, dans le sens donc de fonctionner, on dit work. Work. Oui, ça ne travaille pas. Alors, la montre ne marche pas. La montre ne travaille pas. Se dit en anglais the watch. The watch. Doesn't work? Right! The watch doesn't work. La montre ne marche pas. Je voudrais la faire réparer. I would like to have it... Le plongeoir aboutit sur... Le plongeoir aboutit sur... Repaired. Yes! I would like to have it repaired. I would like to have it fixed. Yes! Laver, c'est to wash. To wash. Wash s'écrit W-A-S-H. To wash. À ne pas confondre avec watch. Wash. Wash. Watch. Mm. Watch. Watch. La montre. Watch, wash. La montre. Et wash, laver. Laver. Donc, comment diriez-vous? Je voudrais le faire laver. I would like to have it washed. Washed. Washed. Right. I would like to have it washed. Yes. On prononce le ED seulement lorsqu'il y a un verbe qui se termine par T ou D, comme decided, wanted, waited. Mais on dit washed. I would like to have it washed. Repasser dans le sens... d'envoyer au pressing, se dit en anglais « to press ». Presser, « to press ». Voulez-vous le faire repasser, s'il vous plaît? Will you have pressed it? Once more. Will you have it pressed? Right. Will you have it pressed? Yes. Will you have it pressed? Apporter se dit « to... bring ». To bring. Et ses formes passées sont broke. Brought. Brought. Brought. Et c'est la même chose pour le participe passé. Brought. Brought. Bring, brought, brought.